Écoutez, je ne sais pas ce que Darby vous a raconté. Je ne sais pas quel but vous avez, mais... il vaut mieux que je sois clair. Personne ne menace Sam Crow. Personne ne nous dit ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Qu'il soit black, basané ou blanc. On aime rouler en bécane, un peu comme Jack Steller, j'accélère. Car je tente et j'accélère. Toujours le cuir et la batte de baseball. Autant nous fuir, sinon méga t'explose. Harley Davidson, musique, j'fous le zbelo Times Square. Madison, j'précise. J'suis un sens, ne crois pas que j'déconne. Si un jour tu donnes somme, j'achèterai pas que des lol. Descends des packs de 12, laisse des impacts de douille. À 200 sur le périph', donc les radars me saoulent. Bibiné jusqu'à la moelle. J'monte sur ma bécane et j'mets les voiles. Donc si j'scanne, j'serai un de ces ghost riders. À tous mes ghost ratés, destiné à être biker. Sam Crow tatoué sur le dos. Dans le crime, pas d'un pro, j'dois assurer sur le trône. Chauffer les bécanes et le moteur à base de coups de crayon. On a l'alcool sévère et ça vaut le coup de crier. On fait le son et tant pis si ça rame trop. Appelle-moi Jack, s'appelle Leclerc, appelle-nous Sam Crow. On marche en club, tu sais, constamment comme les Suns. Une fois le casque sur les oreilles, on se croit comme les seuls. Quand l'envie nous prend, on fait chauffer la route et on sent qu'il est vert, nuit et jour. Pour tuer la routine, appelle-moi Els Angel. Et quand je suis raide pété, je rappe par tous les temps. Moi j'aime l'hiver et j'aime l'été. On brise les fumiers pour nos potes et chaque membre. Avec amphi, dépôt d'échappement. Dur de ralentir quand on vit à 100 à l'heure. Oui, la rime en or, on vit avec ou sans à l'heure. À base de rock, de cuir, de filles, de grande barbe. Tu m'entends rire et là faut prendre garde.